Le shirk chez le peuple de Nouh, c'était quoi? C'est quand ils adoraient les statues, ils représentaient des hommes vertueux. Et on va en parler.